Si je me permets cette observation, mon cher ami, c'est qu'il y va beaucoup plus de votre intérêt personnel que de mon affaire ou de mon amour-propre. Le maréchal est le maître, d'abord. Puis, mon cher, on nous reproche tant de choses qu'une de plus ou de moins. Nous n'en sommes pas à notre virginité en fait de critique. Sous la Restauration, on a nommé des gens pour leur donner des appointements et sans s'embarrasser du service. Nous sommes de vieux camarades. Oui, répondit le baron. Et c'est bien pour ne pas altérer notre vieille et précieuse amitié que je... Allons, reprit le directeur du personnel, en voyant l'embarras peint sur la figure de Hulot. Je voyagerai, mon vieux. Mais prenez garde, vous avez des ennemis, c'est-à-dire des gens qui convoitent votre magnifique traitement, et vous n'êtes amarré que sur une ancre. Ah, si vous étiez député comme moi, vous ne craindriez rien. Aussi tenez-vous bien. Ce discours plein d'amitié fit une vive impression sur le conseiller d'État.